الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهمية العلم، l'importance du savoir, de la science, de la connaissance. Ce qui suit sont des passages avec des hadiths, des versets coraniques, des paroles de savants, et la majorité du contenu est tiré d'un ouvrage, une compilation qui s'intitule Marhaban ya Talib al-Ilm, du grand savant, le Cheikh Dr. Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali, hafizahullah ta'ala, de même que d'une compilation sur l'apprentissage du savoir religieux du Cheikh Dr. Mohamed Omar Bazmoul, hafizahullah ta'ala. لقد أرسل الله أنبياءه ورسله بالوحي معلمين ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى a envoyé ses prophètes et ses messagers avec la révélation pour qu'ils puissent enseigner aux gens, de sorte qu'ils les font sortir des ténèbres vers la lumière. ونوه بشرف العلم والعلماء. Et Allah تبارك وتعالى a vanté, fait les éloges, a élevé le savoir et ceux qui l'ont, qui sont les savants. Donc les savants ne peuvent être savants dans la religion que s'ils sont les héritiers des prophètes. Et ils ne peuvent être les héritiers des prophètes que s'ils prennent le véritable savoir depuis la révélation qui a été laissée en héritage par les prophètes. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé en héritage le savoir qui est le Coran et sa sunna alayhi salatu wa salam. فقال عز من قائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله تبارك وتعالى nous dit dans le sens du verset, Allah élèvera ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont le savoir, ceux qui sont dotés de savoir de plusieurs degrés. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Et Allah dit dans le sens du verset, dit, sont-ils égaux, sont-ils semblables, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. وحث سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على الاستزادة من العلم. Et Allah تبارك وتعالى a encouragé, a commandé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de demander l'augmentation dans le savoir. فقال عز وجل وقل رب زدني علما. Allah تبارك وتعالى dit dans le sens du verset et dit ô mon Seigneur, augmente-moi dans le savoir. كما حث تبارك وتعالى المؤمنين أن يتزودوا من العلم. De même qu'Allah تبارك وتعالى a encouragé, a commandé aux croyants d'augmenter et d'accroître leur connaissance, leur savoir. فقال سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Pourquoi de chaque communauté, de chaque nation, de chaque tribu parmi les musulmans, il n'y aurait-il pas quelques personnes, une, deux ou plus parmi eux, qui iront étudier la religion, chercher à comprendre le sens de la religion pour pouvoir revenir après cela, après avoir acquis la science, et prévenir, avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde. ولقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الفقه في الدين. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a encouragé de chercher la compréhension, d'aller à la compréhension véritable de la religion. فقال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث متفق عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Inna al-ilm lahu manzilatun 'inda Allah tabaraka wa ta'ala imtanna Allah biha 'ala al-anbiya wal 'ulama warithu al-anbiya fi al-'ilm wa laysa fi ad-dunya. Le savoir a une place spéciale auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges des prophètes à qui il a donné ce savoir. Et il les a élevés par ce savoir. Et les savants ont hérité des prophètes le savoir et n'ont rien hérité parmi les choses de ce bas monde. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham. Ils n'ont rien laissé parmi les choses de ce bas monde. Mais ils ont laissé en héritage le savoir, celui qui l'a pris a pris d'une grande part. Le hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par l'Albani. قال تعالى في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Dans le sens du verset, Allah nous dit, il dit à son prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, et Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas, et le bienfait d'Allah sur toi était grandiose et énorme. Wa qala fi nabiyhi Yusuf alayhi salam wa lamma balagha shudda ataynahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi al-muhsinin. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit sur son prophète Youssouf, Joseph, alayhi salam, dans le sens du verset, et lorsqu'il a atteint sa pleine maturité, nous lui avons accordé, octroyé, nous lui avons donné la sagesse et le savoir. Et voilà comment on rétribue les bienfaisants. وقال في نبيه موسى عليه السلام ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Et Allah تبارك وتعالى nous dit concernant son prophète Moussa, Moïse عليه السلام, dans le sens du verset, et lorsqu'il a atteint sa pleine maturité, nous lui avons octroyé, donné sagesse et savoir, et voilà comment on rétribue les bienfaisants. Wa qala ta'ala huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qabl la fi dalalin mubin. Allah élevé soit-il nous dit dans le sens du verset, c'est lui subhanahu wa ta'ala qui a envoyé chez les illettrés, le peuple des illettrés, chez les Arabes, un messager issu d'eux-mêmes qui va leur réciter ces versets, les purifier et leur enseigner le livre et la sagesse, bien qu'auparavant ils étaient dans un égarement évident. Wa qala ta'ala laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يا الله تبارك وتعالى dit dans le sens du verset, certainement Allah a fait honneur aux croyants lorsqu'il leur a envoyé un messager parmi eux issus d'eux-mêmes, qui va leur réciter ces versets, les purifier, leur enseigner le livre et la sagesse, bien qu'auparavant ils étaient dans un égarement évident. قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset, de même que nous avons envoyé parmi vous un messager issu de vous-même pour vous réciter ces versets, vous purifier, vous enseigner le livre et la sagesse, et vous enseigner ce que vous ne saviez pas. Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous, et soyez reconnaissants envers moi et ne soyez pas ingrats. Al-ilmu asasun lil-aqwali wal-a'mali. La science, le savoir, est une base, est un pilier important pour toutes les paroles et toutes les œuvres, toutes les actions. Kama yaqulu al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, باب العلم قبل القول والعمل. Comme l'a bien dit l'imam al-Bukhari rahimahullah dans son sahih, dans son authentique, il a émis un chapitre qu'il a nommé chapitre le savoir avant la parole et l'acte. العلم ليس المقصود منه مجرد الدراسة وحمل الشهادات. Le savoir, l'objectif du savoir, ce n'est pas seulement d'étudier, et ce n'est pas seulement d'acquérir des diplômes. إِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْفِقْهُ فِيهِ. Ce qui est voulu, l'objectif recherché, c'est la compréhension. D'avoir une bonne compréhension de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous demande. الْفِقْهُ لِعَقَائِدِهِ وعباداته وأخلاقه وآدابه وكل ما يتعلق بحياة المؤمن. D'avoir la bonne compréhension dans les dogmes de la religion, les croyances de la religion, les actes d'adoration, les comportements et tout ce qui a attrait à la vie du croyant. والعلم يطلب من المهدي إلى اللحدي. Et le savoir, la science, elle est demandée, elle doit être recherchée depuis le berceau, depuis le début de la personne jusqu'à être dans sa tombe, jusqu'à sa mort. والناس أشد إلى حاجة من حاجة إلى أشد إليه حاجة من حاجاتهم إلى الطعام والشراب كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. Et les gens sont bien plus dans le besoin de la science que les besoins qu'ils ont vis-à-vis de la nourriture et de la boisson, comme l'a bien précisé le grand imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. لا يخفى على المسلم فضل العلم والعلماء وهو يقرأ قول الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Il ne fait aucun doute pour le musulman le mérite, la vertu du savoir et des savants, alors qu'il lit, il récite la parole d'Allah, exalté soit-il, élevé soit-il, dans le sens du verset dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, certes ne se rappellent que ceux qui sont dotés de raison. Wa qawluhu ta'ala shahida Allah annahu la ilaha illa hu wal malaika wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa hu al-aziz al-hakim. Et aussi la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du verset Allah témoigne ainsi que ses anges et ceux qui sont dotés de savoir qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors de lui. C'est lui qui établit la justice. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Il est le puissant et le sage. فقرن سبحانه وتعالى بين شهادة أولي العلم والملائكة وشهادته سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى dans ce verset a lié entre le témoignage des gens du savoir, les savants, des anges, avec son témoignage à lui سبحانه وتعالى. كيف لا يعرف المسلم فضل طلب العلم حينما يسمع قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة الحديث رواه مسلم وغيره. Comment le musulman ne connaîtrait-il pas le mérite, la vertu de la quête du savoir, d'étudier la religion, alors qu'il entend la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui entreprend un chemin pour y chercher une science, un savoir, Allah lui facilite par là un chemin menant au paradis, rapporté par Muslim et autres. Donc, la quête du savoir, de se renseigner, d'étudier sa religion, de vouloir comprendre les paroles d'Allah et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un des moyens qui amène au paradis. C'est un des chemins qu'on entreprend pour pouvoir accéder au paradis. La yakhfa ala kulli muslim anna al-ilma muhim. Il ne fait aucun doute pour chaque musulman que le savoir est important. Hatta إن كل إنسان يدعيه لنفسه. De sorte qu'on en est arrivé à voir que chaque personne s'affilie au savoir. Et il veut qu'on l'affilie au savoir. Et il prétend avoir l'avoir. حتى الجاهل لا يرضى أن يقال عنه جاهل. Même l'ignorant Il n'est pas content qu'on dise de lui qu'il est ignorant, alors que c'est sa réalité. Mais il ne veut pas qu'on lui dise qu'il est ignorant. Et de l'autre côté, il sera heureux, content, si on dit de lui qu'il est savant, qu'il a du savoir. قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. Le prince des croyants, le quatrième calife bien guidé, Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه a dit: il suffit au savoir d'être honoré, d'être élevé, que celui qui ne le possède pas prétend l'avoir. Et il est heureux qu'on l'affilie au savoir. Et il suffit à l'ignorance d'être mauvaise, d'être rejetée, d'être basse, réprimandée, que celui qui est dans l'ignorance, il s'en désavoue. العلم الشرعي ضرورة ويحتاجه المسلم في حياته. Le savoir religieux est une nécessité et le musulman est dans le besoin de cette science, de ce savoir religieux dans sa vie. لأنه يدين بدين يقوم على قاعدتين. Car il pratique, il vit dans, avec une religion, il pratique une religion qui est basée sur deux règles. أَلَّا يُعْبَدَ إِلَّا اللَّهُ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. L'une, on ne doit adorer que Allah, lui seul, subhanahu wa ta'ala. Et la seconde, et on adore Allah que parce qu'il a légiféré. Ça, c'est un résumé de l'explication de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, tu n'adores que Allah azza wa jal. Aucun culte, aucune adoration donnée à autre que lui. Tout est réservé exclusivement à Allah tabaraka wa ta'ala, qui est la véritable divinité. Et Muhammad Rasulullah, on adore Allah que comme l'a adoré son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète sallam nous l'a enseigné. On ne l'adore pas comme nous on veut, mais comme Allah tabaraka wa ta'ala il lui plaît. Subhanahu wa ta'ala. Donc, Alla yu'bad illa Allah wa alla yu'bad Allah illa bima shara. Wa huma haqiqatu kalimati tawhid. Et voilà même la réalité de la parole du monothéisme. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste, je témoigne que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah. Et j'atteste, je témoigne que Muhammad est bien son adorateur, son serviteur et son messager. Fatahqiqu kalimati at-tawhid لا بد فيه من العلم الشرعي الذي يحتاجه لتحقيقها. Et donc, la réalisation, la concrétisation de la parole du tawhid, de la parole du monothéisme, de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, obligatoirement, pour l'atteindre, il faut le savoir religieux nécessaire pour sa réalisation. إذ كيف يحقق المسلم الأصل الثاني وهو ألا يعبد الله إلا بما شرع بدون أن يطلب العلم. Comment peut-il réaliser le musulman la deuxième règle, et qui est qu'on ne doit adorer Allah que comme il a légiféré, sans étudier le savoir. Sans étudier le savoir, comment tu peux adorer Allah comme il a légiféré? Il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'étudier. c'est d'étudier les textes, la science, pour pouvoir adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme il a légiféré. Et voilà pourquoi le savoir précède, vient avant la parole et l'acte. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. الإمام البخاري رحمه الله comme on l'avait précédemment a dit dans son authentique chapitre le savoir avant la parole et l'acte. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah, élevé soit-il, dans le sens du verset « Sache que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah ». Donc, il a commencé par le savoir. Et la quête du savoir, l'étude du savoir, est une obligation. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه الله عنه فإن هذا فرض على الأعيان. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله a dit la quête du savoir, étudier le savoir religieux est une obligation qui incombe à une partie de la communauté, sauf ce qui incombe à chaque personne de connaître. Comme le fait que chaque personne doit connaître et savoir ce qu'Allah lui a ordonné et ce qu'Allah lui a interdit. Ceci entre dans ce qui est une obligation pour toute chaque personne parmi la communauté. وهذا الحكم يتعلق بالمسلم المكلف فإن كان صغيرا فعلى والديه تعليمه أمور دينه التي يحتاجها إذ يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الحديث متفق عليه. Ce qui vient de précéder concerne la personne qui est majeur, majeur, la majorité reconnue en islam. La majorité en islam, elle commence à la puberté. Dès que la personne, elle est pubère, elle est majeure. C'est-à-dire qu'elle est responsable de ses actes. Et là, la plume prend note de ses actions. Il en est responsable, il a des comptes à rendre. Et la puberté, il y a, Allah a mis des signes dans les gens pour pouvoir savoir s'il est pubère ou pas. Il y a des signes qui sont en commun entre les garçons et les filles et des signes qui sont propres aux filles. Donc ça tourne autour de 11 ans, 12 ans, 13 ans en général. Et ceux qui n'ont pas les signes apparents, qui ne sont toujours pas arrivés ces signes, l'âge reconnu dans la religion chez les savants de l'islam, c'est 15 ans. Qui prend en compte, c'est 15 ans. À partir de 15 ans, c'est en âge que la personne elle est considérée comme majeure. Ça, c'est donc dans la religion. C'est ce qu'on appelle le mukallaf, celui qui est concerné par les lois, qui est concerné par les règles. Et si c'est un enfant qui est petit, alors il incombe à ses parents de faire en sorte qu'ils puissent apprendre. Soit c'est eux, soit ils le mettent dans des conditions où il peut apprendre les sujets et les questions de sa religion dont il a besoin. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chacun d'entre vous est berger. Vous êtes tous des bergers. Et chacun sera questionné sur son troupeau. » Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن طلب العلم قال كله خير ولكن انظر إلى ما تحتاجه fi yawmika wa laylatika fatlubhu. Et lorsque l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, fut questionné, on lui demanda sur le sujet de l'étude de la religion, du savoir religieux, il répondit, rahimahullah, tout ce sujet est bien. La quête du savoir, l'étude de la religion, c'est un bien, entièrement. Mais regarde ce dont tu as besoin dans ta journée ou ta nuit, et ces points-là, demande-les. Recherche-les. والمراد بالعلم في النصوص والذي مدحه السلف وأرادوه في كلامهم هو علم الشرع. Et ce qui est voulu par le terme savoir, la science, dans les textes, et la science qui a été vantée, élogée par les pieux prédécesseurs, et c'est ce qui est voulu dans leurs propos et dans leurs citations, c'est le savoir religieux, la science dans la religion. Les sciences mondaines, elles peuvent être bonnes, mais ce n'est pas ça qui est voulu lorsqu'il est fait les éloges du savoir dans le Coran, dans les hadiths et dans les paroles des salafs. Il est question du savoir religieux qui n'a pas d'égal. وهو المقصود في مثل قول معاذ بن جبل رضي الله عنه. Et c'est ce qu'il voulait aussi donc dans la parole parmi tant d'autres des paroles des salafs, mais ici la parole à titre d'exemple du grand compagnon, l'honorable compagnon معاذ ابن جبل رضي الله عنه. تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. Il dit رضي الله عنه: Apprenez le savoir, car dans son apprentissage il y a la crainte d'Allah تبارك وتعالى. Aller à la quête de ce savoir, c'est un acte d'adoration. L'étudier, c'est une forme de glorification d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le rechercher, c'est un combat dans son sentier. L'enseigner à celui qui ne le connaît pas est une aumône. Idhan, inna al-ilm alladhi madahahu Allah ta'ala ومدحه الرسول صلى الله عليه وسلم ومدحه السلف من الصحابة والتابعين هو العلم الشرعي. Donc le savoir dont Allah tabaraka wa ta'ala fait les éloges, ainsi que son messager صلى الله عليه وسلم, ainsi que les pieux prédécesseurs, les salaf parmi les compagnons et les tabi'in, c'est le savoir religieux. قال العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عند علماء الإسلام المراد بالعلم هو العلم الشرعي وهو المراد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الإطلاق وهو العلم بالله وبأسمائه وصفاته والعلم بحقه على عباده وبما شرعه لهم سبحانه وتعالى والعلم بالطريق والصراط الموصل إليه وتفاصيله والعلم بالغاية والنهاية التي ينتهي إليها العباد في الدار الأخرى هذا العلم الشرعي هو أفضل العلوم وهو الجدير بالطلب والحرص على تحصيله لأنه به يعرف الله سبحانه وتعالى ويعبد وبهذا العلم يعرف ما أحل الله وما حرم وما يرضيه وما يسخطه. Le grand savant, l'imam, le sheikh Abdelaziz ibn Baz alayhi rahmatullah, nous dit, chez les savants de l'islam, ce qui est voulu par le terme al-ilm, le savoir, c'est le savoir religieux. Et c'est ce qui est voulu dans le livre d'Allah et dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il n'y a pas de précision, il n'est parlé que de ilm, c'est le ilm religieux qui est voulu. Et c'est le savoir de connaître Allah, tabaraka wa ta'ala, de connaître Allah de par ses noms et attributs, et de connaître le droit d'Allah sur ses serviteurs, et ce qu'Allah a légiféré, subhanahu wa ta'ala, de connaître aussi, avoir le savoir du chemin, la voie qui mène vers lui, subhanahu wa ta'ala, dans tous ses détails, et aussi la connaissance de l'objectif et de la finalité vers laquelle s'arrêtent les serviteurs dans l'au-delà. C'est ce qui les amène à gagner dans l'au-delà. Ce savoir religieux est la meilleure des sciences, est le meilleur des savoirs, et c'est ce qui incombe de rechercher et d'acquérir et de s'efforcer pour l'atteindre. Car avec ce savoir, on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, on adore Allah azza wa jal. Avec ce savoir, on va connaître ce qu'Allah a autorisé et ce qu'Allah a interdit, ce qui plaît à Allah et ce qu'Allah déteste. Ici s'arrête la parole de Cheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما كان غير ذلك فليس بعلم. الإمام الأوزاعي, ce grand imam رحمه الله, dit: le savoir, c'est ce qui est rapporté d'après les compagnons de Muhammad صلى الله عليه وسلم, et en dehors de cela, ce n'est pas un savoir. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل. Ce sont des vers de poésie de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans lesquels il parle du savoir. Et ce qui est voulu par le savoir, il dit dans le début de ses vers: le savoir, c'est Allah a dit, son messager a dit, les compagnons ont dit. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.